En partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants, le CFMI d'Orsay, le Printemps des Arts de Monte-Carlo vous offre La musique expliquée aux aliens sur la Radio Parfaite avec, aujourd'hui, un module conçu et réalisé par Tom Ballas. Silence. Silencio. Silence. Zvuk. Chen mo. Sukut. Noise. Ruido. Bruit. Tishina. Shinin. Saut. Volume. Volumen. Volume. Objem. Julian. Mustawa el saut. Rhythm. Ritmo. Rythme. Tiemp. Bouffa. Igar. Altura. Hauteur. Vesota. Gaudu. Ertifa. Timbre. Timbre. Timbre. Yu. Piao. Nabrat el saut. Effective. Effectivo. Effectif. Effectivni. You shall. Added. Silence. Effectivo. Effectivo. Effectivo. Dam. Shall. Silencio. You shall. Nabrat el saut, timbre, volume, volume, nabrat el saut, mustawa el saut, musica, musique, musica, inuit, musia, music.